La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que de peur et que d'espoir dans l'esprit des élèves un jour de rentrée scolaire. Car l'école est par essence le lieu de l'initiation où garçons et filles sont obligés de s'inventer en dehors de leur famille. Et les années passées sur ces bancs, traumatiques ou enchantées, deviennent presque toujours le premier matériau de ceux qui entrent dans la carrière des lettres. Ce fut le cas pour Musil, Colette et Vargas Llosa, trois des quatre écrivains dont nous parlerons cette semaine. Colette, il en sera question demain. Elle a fait son entrée sur la scène littéraire cachée derrière le nom de son mari Willy avec le personnage de l'espiègle Claudine qui ne se laissait pas impressionner par l'institution scolaire. Il faut dire qu'elle n'avait pas à passer, elle, des mois entiers à l'internat, comme ce fut le cas pour Mario Vargas Llosa qui a raconté ses années au sein d'un lycée militaire dans son premier roman « La ville et les chiens » et dont il sera question mercredi. Enfin, pour terminer la semaine, nous parlerons, une fois n'est pas coutume, non pas d'un romancier, mais avec un romancier, Antoine Compagnon. Il viendra nous parler du livre qui raconte ses années passées au Prytanel militaire de la Flèche et du roman qu'il en a tiré il y a quelques années, La classe de Réto. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des désarrois de l'élève Torless de Robert Musil, dont l'action se passe également dans un internat militaire au début du XXe siècle, nous sommes avec Frédéric Joly, auteur d'une biographie intitulée « Robert Musil, tout réinventé », publiée aux éditions du Seuil en 2015. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Et voilà encore une journée mémorable dont on parlera à nos arrière-neveux. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, Torless. Alors ? Eh bien, je disais que nous finissions une journée très importante. Elle était insuffisamment remplie, à votre gré ? Bon, alors vous me copierez la sixième mode de Doras pour demain. Un extrait des désarrois de l'élève Torless, le premier film de Volker Schlondorf sorti en 1966 et qui est une adaptation du roman de Musil. Bonjour Frédéric Joly. Bonjour. Le premier film de Volker Schlondorf était donc une adaptation du premier roman de Robert Musil. Peut-être parce qu'il fallait à ces deux créateurs revenir dans leur première œuvre sur ces années d'école avant de passer à autre chose. C'est une hypothèse qui vous semble valable? Pour Musil, oui. Il écrit Les Désarrois très jeune, à 25 ans, à Berlin. C'est un moment de sa vie où il s'apprête à mettre un terme à ses études d'ingénieur pour se consacrer à l'écriture et il est au fond en mal d'un sujet. Et ces années d'internat militaire, effectivement, vont s'imposer à lui tout simplement parce qu'elles représentent l'expérience la plus marquante de sa jeune existence. Pour Schlondorf, je crois que c'est la dimension politique du roman qui avait surtout intéressé Schlondorf, qui dès sa première œuvre souhaitait se confronter aux causes et conséquences morales du nazisme. Et de fait, il donne des désarrois une fable politique. Qui existe aussi, on en parlera. Qui est une des dimensions. Dans le roman lui-même. Donc ce sont des premières œuvres écrites dans l'inconscience et aussi dans l'insouciance des premiers romans, en tout cas pour ce qui concerne Musil. Ça s'est assez bien passé pour lui, la rédaction de ce premier roman. Oui, c'est un roman qu'il écrit assez vite, en un an et demi à peu près, sans difficulté particulière. en se fixant dès le départ des principes auxquels il s'est tenu, principes d'efficacité, de simplicité, de se confronter directement aux enjeux qu'il souhaitait aborder. Un livre qu'il ne souhaitait pas poétique, qui a de très très belles pages, des descriptions splendides, mais il ne voulait pas de livre poétique. Pardon. Oui, parce que c'est vrai que ses premiers romans, ses romans de l'école, ils sont bien souvent autobiographiques. C'est pour ça aussi qu'ils sont très faciles. C'est un déterminant du roman, du genre de roman qui se passe à l'école ou qui se passe à l'internat, selon vous? Je ne saurais dire en général. Je crois que pour ce qui est des désarrois, évidemment, la composante autobiographique est très très importante. Mais Thurles n'est pas une sorte de décalque du jeune Musil. Thurles ne représente pas Musil, je pense. Mais il est évident que le cadet Musil a assisté, a subi la promiscuité de l'internat militaire, a difficilement supporté la saleté, la violence, a assisté aux fameuses amitiés particulières, au sadisme, et c'est cette expérience imprègne chaque page du roman. Ouais. Ce roman paraît en 1906, la critique est assez immédiatement positive, et en particulier un article, alors qui paraîtra peut-être un petit peu plus tard, ou en tous les cas, Musil en parlera plus tard dans son journal, je crois 4 années après, un article d'un certain Kerr. Oui, qui... Pourquoi ça l'a tellement marqué, cet article-là? D'abord parce que Alfred Kerr était un des grands critiques de l'époque, qui était très influent. Et c'est d'ailleurs grâce à Alfred Kerr qu'il trouve un éditeur, puisque c'est Alfred Kerr qu'il soumet le manuscrit à peine terminé, et c'est Alfred Kerr qui l'apporte chez un éditeur. Donc il est très possible que sans lui, Musil aurait eu du mal à se faire publier. Donc il a une sorte de dette, de vive reconnaissance à son égard. Et surtout, si cet article compte autant à ses yeux, c'est parce qu'il est d'une très grande justesse. Oui. Je crois que Kerr, dès le départ, met le doigt sur tout ce qui fait la spécificité de l'œuvre de Musil, et notamment le goût de la précision, l'absence de lyrisme, le fait que c'est un roman qui est libre, je le cite, de toute sensiblerie, où l'atmosphère, je le cite encore, n'est pas peinte, mais où l'on a une projection des faits représentés. Ça correspond bien au style, finalement, Musil. C'est une analyse très, très subtile et juste, et c'est sans doute la seule fois dans son existence que Musil ressentira un tel sentiment de reconnaissance, parce qu'il faut dire que Les Désarrois a été un succès critique, mais aussi un succès commercial, et c'est le seul succès critique et commercial qu'il connaîtra, puisque toute sa carrière d'écrivain sera sans cesse ponctuée de déboires éditoriaux, commerciaux, assez cuisant. Comme quoi les récits de l'école font recette, et cela de tout temps. Il faut dire que beaucoup de lecteurs ont vu une confession dans ce récit. Vous venez de nous expliquer que ce n'était pas tout à fait le cas. Ce n'est pas le cas, oui. Une confession, et puis aussi, plus que ça, un point de vue sur l'école. Voilà. Il y a un certain nombre de pédagogues, de réformateurs, oui, qui ont pris ce livre comme étant finalement une thèse sur l'école, ou comme pouvant servir de matériau pour réformer l'école. Oui, ce qui n'a pas manqué d'irriter l'auteur. Mais malgré ces dénégations, on peut effectivement considérer que c'est une dimension importante du livre. Donc c'est une dimension inconsciente pour l'auteur lui-même. Je crois que Musil ne souhaitait pas que le livre soit présenté comme un roman à thèse, ce qu'il n'était pas du tout. Donc je crois qu'il prenait garde au moment de sa parution à ce qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y ait pas de malentendu à ce sujet. Mais la dimension de l'éducation est un thème, effectivement, Jacques Bouveresse a pu le souligner dans un bel essai sur cette question, est un thème qui parcourt, sous-jacent à l'ensemble du livre, parce que on va y venir, mais si l'élève Turles en vient à subir l'influence de deux petits seigneurs et de deux petits sadiques, c'est parce qu'il y a un manque en lui, parce que son goût profond pour la littérature ou la philosophie n'a pas été soutenu, assisté par l'institution, et qu'une sorte de vide béant s'est creusé en lui, une fragilité. Et donc une responsabilité de l'école vis-à-vis de ses élèves qui sont un peu perdus, c'est cela ? Une incapacité de l'institution à entretenir des goûts profonds ou à susciter le désir. Mmh. Et lorsque ce désir n'est pas suscité et entretenu, le manque qui en résulte est comblé par des passions tristes. Alors je vous propose d'écouter l'écrivain et essayiste Pierre Paché raconter, un peu en longueur, vous allez le voir, l'histoire de ce roman Les désarrois de l'élève Turles. L'histoire, elle est assez simple. Dans ce pensionnat qui est dans l'Autriche-Hongrie, mais du côté de l'Est, et dans l'Autriche-Hongrie, il y a le côté germanique qui est important, qui est dominant, mais il y a aussi tout l'aspect slave. Et cette histoire se passe du côté, on pourrait dire, des marches, des confins slaves. Un personnage slave, une prostituée, joue un rôle assez important. Donc un certain nombre de jeunes gens sont là, dont le jeune Turles. Et se déroulera à l'intérieur du pensionnat une histoire qui rappelle un peu celle d'une autre histoire de pensionnat, c'est les faux monnayeurs de Gide. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de complot. Et ce complot fait une victime qui est le plus faible. Ce plus faible, qui s'appelle Basini, est en même temps un garçon à la fois un peu mou et très... qui a une sorte de beauté de victime. Et Turles assiste et participe jusqu'à un certain point à ce complot dans lequel il entre de l'érotisme, du sadisme et une intense curiosité pour la sensualité. Et se mêle à ça, ce qui est d'une façon qui est assez caractéristique de l'intelligence et de la sensibilité de Musil, les interrogations propres du jeune Turles, de nature à la fois intellectuel et religieux, qui porte en particulier dans un point important sur un concept mathématique, celui des nombres imaginaires. Ce qui fait que Musil jeune s'est pensé comme un vivisecteur, une espèce de chirurgien froid et efficace. Il me semble que Turles montre qu'il était loin d'être un vivisecteur et que pour lui, comprendre voulait toujours dire participer. Il me semble qu'il excluait l'idée qu'on puisse comprendre les mathématiques de l'extérieur sans les pratiquer, qu'on puisse comprendre l'amour de l'extérieur. Au point que dans cette histoire, avec une sorte de candeur ardente et par moments un petit peu mièvre même ou maniérée, c'est Turles qui va le plus loin finalement. Ce n'est pas lui qui va le plus loin dans le sadisme apparemment, ce n'est pas lui qui donne les coups. Mais c'est avec lui que finalement le jeune Basini couche nu dans le même lit. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Quelle réflexion, Frédéric Joly, vous inspire la manière dont Pierre Paché racontait, c'était dans une archive de 89, ce roman Les désarrois de l'élève Turles. Oui, donc c'est une belle lecture, c'est émouvant d'entendre Pierre Paché évoquer Musil. Il a quitté il y a 2 ans. C'est très juste. John Maxwell Coetzee, le romancier prix Nobel qui est aussi un grand critique, a consacré quelques beaux textes à Musil, dont un au désarroi, et relève lui aussi, comme Pierre Paché, que l'élève Turles n'est pas un ange. Mm-hmm. On évoquera les deux sinistres individus sous l'influence desquels il tombe, mais Turles est un garçon subtil, intelligent, enfin il a beaucoup de qualités, mais il s'adonne lui aussi à de coupables agissements. Je crois qu'il faut évoquer là peut-être l'action, l'intrigue. Hein. C'est un quatuor. Nous sommes dans une institution éducative fermée, assez huppée. Et nous avons un quatuor, l'élève Turles, qui n'a pas de prénom. C'est important, ça, qu'il n'ait pas de prénom ? Je crois, parce que, au fond, Musil, comme il a pu le dire lui-même beaucoup plus tard, souhaitait une sorte de dispositif de laboratoire pour tester sur des cobayes des questionnements intellectuels, moraux. Mmh. Milan Kundera, dans une étude, a pu parler de moi ou d'ego expérimentaux. Je crois que le fait que l'élève Turles n'ait pas de prénom a sans doute à voir avec ça. Ça a peut-être aussi à voir ce dispositif expérimental avec le fait que c'est un personnage très froid, même s'il y a un bouillonnement des aussi, passions oui, à l'intérieur de lui. Oui, il y a une espèce de distance qu'il met avec les autres. J'imagine que ça n'est pas pour rien. Tout à fait. Donc, l'élève Turles, deux petits seigneurs, comme les désigne Musil, qui sont issus, comme Turles, d'un milieu plutôt favorisé, famille de militaires, qui revendiquent un mépris total pour toute idée de compassion ou de pitié, qui s'estiment être les représentants d'une nouvelle génération conquérante. Mmh. C'est un peu l'époque aussi vitaliste, ce début du XXe siècle. C'est ça. C'est la génération qui, dans les années 20 et 30, arrivera au pouvoir, la génération fasciste. Donc il y a là quelque chose de très prémonitoire. On y reviendra peut-être. Oui. On y reviendra, oui. Donc deux petits seigneurs, des canailles sadiques. Très sadiques même. Très clairement. Qui vont très loin dans les sévices. Qui vont très très loin dans les sévices. Et donc une victime, Basini, comme l'a rappelé... Pierre Paché, qui lui ne vient pas d'un milieu favorisé, qui a commis un larcin et qui a eu le malheur d'être pris sur le fait par l'un des deux seigneurs. Il a volé et on le lui fait payer très cher. Et on le lui fait payer très cher puisqu'il devient dans ces conditions l'objet d'une sorte de chantage à la dénonciation et tenu donc de supporter une litanie interminable de sévices, d'humiliations à forte connotation sexuelle. Mmh. Donc Turles, là-dedans, n'est pas un acteur, je dirais, qui a l'initiative, mais il est un spectateur tout à fait intéressé, en tous les cas. Complaisant, et donc complice. Mais comme le... Coetzé le montre très bien dans ses analyses critiques, et Pierre Paché en parlait, Turles fait montre d'un sadisme certain de manière différente. C'est-à-dire qu'il oblige le pauvre Basini, en présence des deux petits seigneurs, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, à dire à voix haute « Je suis un voleur », donnant ce faisant aux deux sadiques, bien d'autres idées dans le même registre, ou en exigeant de Basini qu'il lui raconte après ses séances ce qui s'est passé, bien conscient des douleurs que cela lui inflige et des dommages que cela cause. Donc Turles a sa part de perversité, mais contrairement aux deux petits seigneurs, il ne se raconte pas d'histoire, il en est conscient et il éprouve même une très vive répulsion par rapport à son comportement. Alors que Beineberg et Reiting, les deux seigneurs, eux, revendiquent leur cruauté tout en l'habillant dans une sorte de discours mystico-ésotérico-érotique qui n'est qu'une piètre... justification. Alors, on est dans quoi avec ce roman ? Qu'est-ce que Musil a voulu faire ? Est-ce que c'est une peinture de l'adolescence, une peinture de l'école, une peinture de l'homosexualité, parce qu'elle est très présente dans le roman, et pourtant lui se défendait d'avoir parlé d'homosexualité. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Je crois que c'est tout cela à la fois. C'est-à-dire, comme tous les grands livres, c'est un livre qui a une très grande... une très grande pluralité de dimensions. Il y a la dimension politique évidente, puisque, comme nous l'avons déjà évoqué, nous avons là deux tyrans en herbe. Il y a la dimension pédagogique dont nous avons déjà parlé. Et notamment l'espèce de dichotomie dans cette école qui, la journée, est réglée, tout à fait en ordre, le paraître est totalement respecté. On est dans un univers, encore une fois, relativement bourgeois, policé, chacun a son uniforme. Et la nuit, c'est le dérèglement total. Oui. Et il y a quelque chose d'extrêmement gênant, finalement, dans l'acceptation par l'institution des dérèglements de la nuit, sous l'apparence d'une institution bien comme il faut. Ça, c'est une dimension importante du livre et qui renvoie, je crois, à un trait saillant de la personnalité du jeune Musil qui a été très très jeune frappé par le gouffre qu'il constatait autour de lui, que ce soit dans la sphère intime comme dans la vie publique, entre les apparences d'un côté et la réalité de l'autre. Et ça, que ce soit dans sa famille, parce que sa famille était tout sauf banale, puisque, chose assez extraordinaire pour le milieu social et l'époque, Madame Musil, mère, imposait la présence de son amant à son époux au domicile familial. C'est ça, c'était un couple à trois. C'était un ménage à trois assez improbable et d'ailleurs assez malheureux. Ce qui a poussé d'ailleurs le Musil enfant à accepter avec enthousiasme d'être placé en internat. Donc cette espèce de gouffre entre l'apparence de respectabilité bourgeoise de ce couple et une intimité complexe et parfois problématique, le gouffre aussi, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, entre sa personnalité, ce sang-froid et le bouillonnement des passions, le gouffre, comme vous venez de le dire, entre le décorum et la parade de l'institution éducative et ce qui se passe effectivement la nuit. Et enfin, et là ça renvoie à l'Empire, le gouffre entre l'apparat et le décorum d'un empire incarné par la figure débonnaire, paternaliste et aux besoins autoritaires de l'empereur, et cette espèce de d'effritement lent mais inéluctable de ses fondements qui aboutira à son effondrement. Donc Musil dit que ça n'est pas un roman sur l'amour entre garçons, pourtant c'est quand même extrêmement là. Il dit qu'on pourrait remplacer le personnage persécuté et violé de Basini par une femme et le thème de l'homosexualité par celui du sadisme, celui du fétichisme et de toutes les émotions qui sortent au fond de l'ordinaire. Il y a beaucoup de dénégation chez Musil au moment où paraît le livre. Effectivement, il ne veut pas que le livre soit présenté comme un roman réaliste, comme un roman psychologique, comme un roman sur l'homosexualité. Ce n'est pas un roman réaliste. La dimension psychologique est importante. Il y a une très grande perspicacité psychologique de l'écrivain. Même à l'époque où il l'écrit, est à l'université, où s'intéresse il étudie la psychologie, mais aussi la philosophie. Il s'intéresse de très près à la psychologie. Et évidemment, la dimension homosexuelle est importante. D'abord, seule la nudité de ce corps mince l'avait ébloui. L'impression avait été celle même qu'il aurait eue devant la beauté encore nette de toute sexualité d'une très jeune fille. Il avait été stupéfié, subjugué. Et c'était l'irrésistible beauté rayonnant de cette minute qui avait donné à ses rapports avec Basini l'apparence d'une inclination. Ce sentiment nouveau, cette inquiétude merveilleuse. Tout le reste était d'un autre ordre. Tout le reste. Il le connaissait depuis longtemps. Depuis Bozeda. Depuis bien avant déjà. La compagnie des auteurs sur France Culture, Frédéric Joly, que retenez-vous de cet extrait qu'on vient d'entendre, lui ici, par Philippe Boris? C'est le moment où Basini se dénude devant Turles, parce qu'il suppose que c'est finalement ce que Turles demande de lui. Oui. Le style est absolument extraordinaire. Enfin, C'est splendide. La traduction de Philippe Jacotet aussi est une bonne traduction. C'est une très très belle traduction. Musil est un grand lecteur de Rainer Maria Rilke. Je trouve que Jacotet a traduit Rilke. Mmh. Je crois qu'une des dimensions fondamentales des désarrois, c'est qui fait signe vers toutes les œuvres qui suivront, c'est l'utopie musilienne. Au fond, c'est cette volonté de restituer avec le maximum d'exactitude, en l'occurrence d'une extrême élégance, toutes les émotions possibles et imaginables. L'ouverture à toutes les expériences. Thurless, certains ont conjecturé sans doute à raison que le mot est un mixte d'anglais et d'allemand. Thurless s'emporte, c'est-à-dire une sorte de mot faisant signe vers cette capacité d'ouverture. Et cette volonté d'explorer toutes les émotions, y compris les plus improbables, avec l'exactitude mathématique. Et oui, parce que finalement, explorer les émotions de la sensualité, c'est toujours dans ce roman, à travers le filtre de l'intellect, à travers le filtre de l'esprit, c'est une initiation sensuelle, mais c'est aussi une initiation des pensées troublantes et qui sont là de l'ordre de la métaphysique, oui, voire de la physique ou des mathématiques. C'est ça. L'élève Thurless, à un moment donné, confie être surtout intéressé par la religion et par les mathématiques. Et là, c'est Ulrich de l'homme sans qualité. Mm-hmm. Tout est là déjà. C'est-à-dire ce désir de ce personnage principal de cet autre grand roman de Musil. Voilà. Ce désir de défricher, d'explorer des territoires moraux, intellectuels et spirituels, échappant a priori à la description, de ne pas renoncer à les décrire, avec effectivement ce goût de la précision et de l'exactitude mathématique et scientifique. C'est l'utopie musilienne est déjà là in nucleo. Oui. Oui, alors je vous propose d'écouter justement un extrait toujours de ce roman sur les nombres imaginaires qui sont particulièrement importants pour Thurless. Au revoir. Au revoir, monsieur. Est-ce que tu as bien compris, toi ? Quoi donc ? Les nombres imaginaires, qu'est-ce que c'est ? Tu n'as qu'à réfléchir, c'est très facile. Pour bien te mettre ça dans la tête, dis-toi que la racine carrée de moins 1 constitue l'unité de calcul. Mais c'est justement ça qui est déroutant. Tu parles d'un carré. Or, un carré, c'est essentiellement une chose positive. Il s'agit d'une pure spéculation mathématique. Mais on sait que c'est impossible, absolument impossible. Mathématiquement impossible, on sait que ça ne représente rien. Et si on sait cela, on sait que ça n'existe pas. Comment, dans ce cas-là, arrive-t-on à s'en servir ? C'est ça que je trouve extraordinaire. Comment s'en sert-on pour construire, je ne sais pas moi, un pont ou une maison ? Je te l'ai dit, c'est déroutant. Comment est-on arrivé à une chose concrète avec des nombres imaginaires ? Est-ce qu'il y aurait, quelque part, une cassure dans notre réalité ? On dirait que tu parles comme le curé de la paroisse. Vous ne l'ignorez pas, mes chers frères. La matière n'est rien. Rien sans l'intelligence qui donne à l'homme sa noblesse. Et rien sans notre âme éternelle. Amen. Va voir le prof, il t'expliquera. Je sais, c'est une question ardue. Les nombres imaginaires, oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors d'où vient finalement le lien entre ces sévices qu'on fait subir au jeune Basini, ces espèces d'initiations dans divers domaines, et ce thème récurrent des nombres imaginaires. Pourquoi tout cela se retrouve dans ce même roman ? Qu'est-ce que ça signifie, selon vous ? Alors, d'abord, les nombres imaginaires. Effectivement, l'élève Thurless est obsédé par l'idée qu'il y a beaucoup plus que les nombres irrationnels sont bien plus nombreux que les nombres rationnels. Et qu'il y a donc que les facteurs irréels, par la force des choses, doivent être introduits dans la démarche intellectuelle. Ça, c'est une... C'est une conviction très ferme chez ce garçon très précoce. Là, autrement dit, il y a dans la réalité des choses qu'on ne peut pas saisir, mais qui existent tellement bien qu'ils se traduisent de façon concrète. C'est comme, ça. En effet, le calcul d'un pont, de la voûte d'un pont nécessite ou peut nécessiter des chiffres qui n'existent pas. Et c'est en effet abyssal comme réflexion. Et cela renvoie à certaines expériences, alors pour le coup pas du tout perverses, que fait par ailleurs l'élève Turles. Je citerai par exemple ce moment très, très beau où, allongé sur le dos dans l'herbe, il s'absorbe jusqu'à s'oublier lui-même dans la contemplation d'un carré d'azur, de ciel bleu que laisse transparaître une trouée dans la masse nuageuse, et où là il fait effectivement l'expérience du vide, qui, non pas du vide en tant que manque, mais en tant que fond jusqu'alors inaperçu par lui du monde. Et ce que Romain Rolland et Freud, quelques années plus tard, évoqueront en parlant de sentiments océaniques. Et c'est l'expérience de ces sentiments océaniques qui rentre directement en résonance, effectivement, avec sa méditation sur les nombres imaginaires et irrationnels. Mais pour en revenir à votre question sur les tristes agissements auxquels il assiste et dont il est le complice. Là, je dirais que l'auteur déploie autant de subtilité dans sa manière de traiter les émotions perverses de Turles que dans sa manière de dépeindre les sentiments océaniques. Je crois que c'est le récit, les désarrois, comme le titre l'indique, est le récit d'une crise morale. Et c'est un garçon qui, au fil du récit, parce qu'il a une profonde répugnance pour ses agissements et son attitude, va essayer, à travers d'autres expériences tout aussi radicales, mais beaucoup plus productives, cette fois-ci, de lutter contre ces émotions perverses. Donc c'est à chaque fois la peur, le vertige, finalement, de découvrir l'immensité, soit de ses désirs, soit du ciel. Il est toujours question de vertige, mais il y en a de productifs et d'autres parfaitement improductifs. Frédéric Joly, on va continuer cette conversation avec vous sur le livre de Musil, Les désarrois de l'élève Turles. Ce sera juste après la chronique dans Compagnie des revues. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues avec vous aujourd'hui, Tiphaine Samoyau, co-directrice de la revue en ligne En attendant Nadeau. Bonjour Tiphaine. Bonjour Mathieu. Les désarrois de l'élève Turles, est-ce que c'est un roman qui vous a personnellement marqué ? Oui, énormément marqué. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de... Enfin, un cadre on ne peut plus institutionnel et scolaire, puisque c'était dans le cadre de la préparation à l'agrégation, où il était au programme. On ne fait pas lire ça quand même à des collégiens, si ? Non, je crois pas. Mais qui m'est apparu à la fois très étranger, parce que bon, mettant en scène cet univers militarisé, exclusivement masculin. C'était pas votre univers, ça, non? Qui est une ambiance que j'ai pas tout à fait connue exactement, et en même temps étrangement familier, dans sa façon de mettre au jour les dysfonctionnements d'une institution dont je voyais aussi les problèmes, dans laquelle j'étais plongée jusqu'au cou et à laquelle je rêvais de résister. Parce que c'est en effet aussi un roman sur l'incapacité des enseignants à prendre en charge un certain nombre de questions, celle du désir, vous l'avez évoqué Frédéric Joly, mais aussi d'elle de répondre aux inquiétudes intellectuelles et morales des élèves, et jusqu'au point où quand la crise éclate et où ils sont au courant de tout ce qui s'est passé, voilà, la seule solution c'est de virer Turles et puis on n'en parle plus. Mais au-delà de ça, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est plus que l'incapacité des enseignants, c'est l'incapacité du savoir lui-même à répondre à ces inquiétudes. Et la recherche, cette recherche ou cette obsession des nombres imaginaires, c'est aussi tout d'un coup la nécessité d'un autre rapport au savoir que celui de la rationalité, quelque chose qu'on peut lire aussi chez Proust à la même époque ou juste après. Enfin, c'est très frappant. Et ça me parlait beaucoup. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce roman, Les désarrois de l'élève Thorless. Il y en a une, c'est une prostituée. Et vous avez voulu, du coup, nous parler de livres qui mettent à l'honneur, justement, des voix de femmes, dont on est fan. Dont vous êtes fan, En attendant Nadeau. Oui, parce qu'il y a des livres qui nous ont beaucoup frappés, qui ont été écrits par des femmes. Donc, mais c'est pas parce qu'ils ont été écrits par des femmes qu'on les défend. Donc, le premier dont je parlerai, il est pas sans rapport avec Les désarrois de l'élève Thorless. C'est Midi de Chloé Cormand, qui parle aussi de l'impuissance de l'institution scolaire éducative à voir ou à traiter des mauvais traitements faits aux enfants, même si ces mauvais traitements cette fois ne se font pas dans le cadre même de l'institution et dans le cadre de la famille. De quoi s'agit-il ? Donc il s'agit d'une femme qui raconte que 20 ans avant un stage de théâtre qu'elle animait dans Marseille, dans une ville donc du Midi qui donne son titre au livre, et où elle découvre progressivement que une des petites filles qui joue dans cette troupe est atteinte subit des mauvais traitements de la part de sa famille. Mais alors le sujet peut paraître un peu inquiétant pour un certain nombre de lecteurs, mais en réalité c'est traité de manière extrêmement subtile, c'est traité de manière presque oblique, sans pour autant le renoncer à le traiter vraiment, parce que c'est toujours pris en charge par cette jeune femme qui animait cet atelier de théâtre et qui sent bien sa propre impuissance et l'impuissance même de ce en quoi elle croit, c'est-à-dire le théâtre, même Shakespeare, on parlait de la difficulté des savoirs à répondre aux inquiétudes des adolescents ou des enfants, même Shakespeare et sa fantaisie et sa magie arrive assez peu à faire bouger les lignes sociales, enfin des rapports très violents qui existent entre les êtres, entre les enfants. Et c'est un livre vraiment très beau et qui a comme centre justement ce nom de Midi, la chaleur de Midi, c'est le Midi de la France, c'est l'heure aussi de l'imminence du danger chez Camus, c'est l'heure de la lucidité chez Rimbaud. C'est vraiment un livre extrêmement lumineux sur un sujet grave. Midi de Chloé Cormand, c'est au seuil. Un autre livre d'une femme, d'une autrice qui vous a plu, c'est Un tournant de la vie de Christine Angot. Oui, alors c'est un livre très frappant sur le rapport entre désir et langage. Là encore, on pourrait faire des liens avec Les désarrois de l'élève Thorless. Comment parler de l'amour dans une langue d'aujourd'hui? Et tout en montrant toute la dramaturgie qui est elle intemporelle, mais qui finalement se déplace au gré de la langue. Il s'agit pas de parler d'amour avec une langue empruntée au romantisme ou à des livres d'autrefois. Il s'agit vraiment de le traduire dans la langue d'aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire par rapport à toutes les personnes qui pensent que Christine Angot écrit directement ce qui lui arrive ou que elle écrit comme elle respire ou comme elle parle, je voudrais qu'ils essayent eux-mêmes de raconter. C'est un exercice. Exercice que vous donnez à tous les auditeurs. Oui, c'est un exercice. Christine Angot, vous pouvez envoyer vos résultats ici. Oui, est-ce que vous avez fait, vous nous les envoyez, on les transmettra à Tiffaine Samoyo. C'est d'une difficulté extrême en réalité d'arriver à ce degré de naturel ou même d'expressivité et de resserrement dramatique de ce qui nous arrive tous les jours. C'est-à-dire que faire tenir en 100 pages une expérience partagée par tous aujourd'hui dans notre langue, c'est une chose fascinante et que je mets au défi chacun de réussir. Voilà, j'espère que les auditeurs vous auront entendu. Merci Tiffaine, je donne rendez-vous à nos auditeurs sur le site enattendantnado.fr et je vous donne rendez-vous ici même, Tiffaine. À très bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture. Nous ouvrons la seconde partie de cette émission. Elle est consacrée au désarroi de l'élève Torless, livre de Robert Musil. Dans le cadre de notre semaine consacrée aux romans de l'école et de l'internat. Et on repart avec un nouvel extrait de l'adaptation cinématographique que Volker Schlondorf a fait de ce film, de ce livre, pardon, et la scène où l'élève Turles tente de justifier sa complicité dans les brimades infligées à Basini devant le conseil de discipline. L'homme est juste et ignoble à la fois. Je sais que l'homme est très souvent ce que le hasard l'a fait. Rien peut le changer. Rien peut tous nous changer. Au fond, ce sont nos agissements qui nous marquent. Le bien et le mal sont en chacun de nous, et nous pouvons être tour à tour bourreaux ou victimes. D'un instant à l'autre, ça peut changer. Et quand on sait cela, on sait que le pire est possible. Malheureusement, il n'y a pas de mur pour séparer le mal du bien. Et automatiquement, les deux se confondent. Et quelqu'un de normal peut faire des choses atroces. Je me suis demandé pourquoi. J'ai voulu comprendre. C'est pour observer ce qui se passait que je n'ai pas dénoncé Basini. Je voulais voir. Voir comment un homme peut se laisser humilier. Je voulais me rendre compte. Voir de près ce qu'il ressent. Et ce que peut ressentir celui qui l'humilie. Je me croyais très naïvement que le monde s'arrêterait. Aujourd'hui, je sais que rien ne l'arrête. Aucune atrocité ne l'arrêtera. Vu de loin, cela paraît impossible. Et une fois qu'on y est, cela arrive simplement, comme ça. Aussi, le mieux est de ne pas trop s'approcher. J'ai au moins appris cela. Il n'y a pas de mur pour séparer le bien du mal, dit l'élève Turles. Diriez-vous, Frédéric Joly, que Musil nous indique ici, par la voix de son personnage, au fond, le sujet profond de son roman, qui serait la question du bien et du mal? Oui, oui. Il y a chez lui, en tout cas au moment où il écrit les désarrois, l'idée que les modes de comportement moraux varient sans aucun doute individuellement et socialement, mais sont surtout conditionnés par l'éducation et les circonstances. Mmh. Il y a aussi chez lui, et ça c'est une conviction qu'on retrouve évidemment dans l'homme sans qualité, l'idée qu'il devrait être possible de transformer n'importe quelle espèce de mal apparent en bien réel. Il y aurait même un bon mal et un mauvais bien. Donc il suffirait d'éduquer, c'est ça ? C'est, je crois que la question que pose une des questions principales que pose le roman peut être formulée ainsi. Pourquoi le bien, en tout cas ce que l'on enseigne officiellement comme étant le bien, est-il souvent si ennuyeux et si stérile, alors que le mal est très souvent séduisant et productif? D'où vient l'attrait du mal? D'où vient l'attrait du mal? Et là, l'institution où se déroule l'action des désarrois est très, très emblématique de cette vision des choses, puisque Musil, à un moment donné, dit que les professeurs s'y étiolent à force de vertu. C'est... Il y a chez lui l'idée qu'il peut exister une bonne façon d'être mauvais et une mauvaise façon d'être bon. Tout est question de ce qu'il appelle les pensées vivantes et les pensées mortes. Et quelle serait cette bonne façon d'être mauvais? Parce qu'il n'y a pas tellement de personnages qui soient réellement bons. Alors évidemment, on peut se dire que les Lefterless, qui là ne ressemblent plus tellement finalement aux pervers des pages précédentes, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais au contraire à quelqu'un qui atteint un niveau de lucidité supérieur, peut-être qu'il se transforme en un personnage positif, peut-être que c'est lui qui, traversant le mal, est devenu bon. C'est tout à fait ça. Mm. C'est devenu, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est devenu bon, mais traversant le mal, il a compris un certain nombre de choses que ses très vertueux professeurs ne conçoivent même pas. Et d'ailleurs, la longue déclaration de Thurles à la fin du roman est reçue dans l'incrédulité et la stupéfaction la plus totale. Ses explications ne sont littéralement pas comprises, ce qui d'ailleurs ne lui nuira pas forcément. On apprendra ainsi que l'élève Thurles a fini par retrouver la littérature et la philosophie que l'école, l'institution avait échoué à lui faire aimer. Alors c'est bien joli et c'est très bien pour lui qu'il y arrive, mais il laisse quand même derrière lui, décomposé, une sorte de cadavre qui est l'élève Basini, avec lequel il s'est passé quand même quelque chose de fort et quelque chose qui n'est pas que de l'ordre du bizutage. C'est la victime qui ne s'en remettra pas, un petit peu comme, et là on peut glisser sur l'aspect politique sous-jacent à ce livre, un petit peu comme durant le XXe siècle, il y a beaucoup de victimes qui ne se remettront pas de la folie meurtrière des nazis. Absolument. On en revient à la dimension politique du livre. Il est bien clair qu'aux yeux de Rating et Beineberg, les deux petits seigneurs, il existe des êtres inférieurs dont Basini fait partie, qui ne méritent littéralement pas d'exister. Mmh. C'est cette dimension qui, je crois, a séduit Schlondorff, qui au fond met essentiellement l'accent sur elle. Schlondorff, comme tous les cinéastes, s'est concentré sur la dimension, je dirais, représentable de l'histoire. Le cinéma ne peut que traiter de ce qui relève du représentable. Il pouvait très difficilement traiter de tout ce qui échappe à la représentation, qui ne se montre pas en image. Mais Schlondorff fait son film en 66. Le livre, il sort en 1906. Donc, est-ce qu'on peut réellement plaquer ce qu'on sait de ce qui s'est passé sur un roman qui a été écrit avant même la Première Guerre mondiale? Autrement dit, quelle pouvait être la conscience de Musil d'écrire un livre qui, d'une certaine manière, avait la prescience on a parlé des nazis, mais enfin aussi des tranchées pendant la Première Guerre mondiale, oui, tout à fait. De l'espèce d'horreur de ce XXe siècle? Je pense que beaucoup d'écrivains ont la prescience d'un certain nombre d'événements à venir sans pour autant pouvoir se le formuler de manière extrêmement articulée. Et on est là de l'ordre de l'intuition. De l'ordre de... C'est ça. Et comme il l'a reconnu plus tard dans les années 30... Il a clairement vu apparaître le profil du dictateur. On en revient à la dimension pédagogique. Là, je crois que le psychologique, le politique et le pédagogique s'entrelacent très très très étroitement. Puis c'est un livre qui pose effectivement la question de la capacité de l'école à pouvoir répondre à l'émergence d'un tel profil en ses murs même. Alors, Musil, qui vivait d'abord à Vienne, avait justement déménagé à Berlin en 1904 en espérant trouver dans cette ville, des valeurs élitistes, des valeurs de raison, des valeurs de sécurité aussi. Berlin était la capitale qui pouvait représenter à cette époque tout cela. On sait ce que ça a donné par la suite. Et il y a quelque chose de très ironique dans ce déplacement, dans ce qui deviendra l'épicentre, je ne veux pas dire du mal, mais enfin, d'une certaine façon. Il y a une ironie effectivement assez terrible dans le destin de Musil. Un des traits, ils sont finalement assez peu nombreux, mais un des traits que le jeune écrivain partage avec Thurles, c'est un sentiment de très grande étrangeté et d'isolement par rapport à son milieu d'origine, à son environnement. Et je crois important de préciser effectivement que Musil ne croyait pas à l'Empire, à ce qu'il appelait la cacanie. Il a élaboré ce terme pour souligner la double nature impériale et royale de l'Empire austro-hongrois, Kaiserlich und Königlich, K und K, Kakani. Mmh. C'était une entité politique qu'il ne prenait pas au sérieux, qui, à ses yeux, n'avait pas de véritable autonomie par rapport au Reich allemand, et qui lui inspirait surtout de l'ironie. Et effectivement, il a, à la première occasion, il est parti à Berlin, faute du moindre sentiment de complicité avec son environnement. Oui. Et il y a une ironie terrible, puisqu'il passera toute son existence à faire des allers-retours entre Berlin et Vienne, alors même que la situation du continent s'aggrave, jusqu'à se retrouver à Berlin en 1932, en pleine écriture du deuxième tome de L'Homme sans qualité, à un moment où le pays s'effondre. Je ne sais pas si je me suis reconnu dans L'Homme sans qualité, d'une certaine manière, ou si je suis devenu l'homme sans qualité parce que j'ai tellement aimé le livre quand je l'ai lu la première fois. L'homme sans qualité en ce sens qu'il veut toujours se garder toutes les options ouvertes, qu'il veut être de tous les pays, de toutes les facultés, de toutes les possibilités, sans jamais se fixer sur aucune. Parce que le choix implique toujours qu'on renonce à tellement de choses qu'il n'arrive jamais à faire un choix. Et alors, ça c'est quand l'homme a 40 ans, c'est très très affirmé. Et dans le jeune Turles, à 15 ans, on sent déjà cette disposition. Il est fasciné par ce qui se passe autour de lui. Il y a certains de ses camarades qui prennent le pouvoir, pour ainsi dire. D'autres qui deviennent leurs victimes, d'autres qui deviennent les complices. Et lui se trouve là-dedans et déjà ne sait pas se décider parce qu'il s'intéresse à chacun d'eux. Et à force d'être témoin, il n'arrive pas à se choisir une option. Et dans le cas, on peut dire qu'il devient coupable pour ne pas avoir choisi. Vous avez reconnu de nouveau Frédéric Joly, le réalisateur Volker Schlondorf. Est-ce que l'élève Turles serait, comme on vient de l'entendre dans sa voix à l'instant, un jeune homme sans qualité? Autrement dit, l'esquisse de ce que deviendrait le personnage principal de oui. L'homme sans qualité. Oui, incontestablement, c'est très juste, oui. Turles et Ulrich partagent beaucoup. C'est la même aspiration à élaborer ce qu'on peut présenter comme une nouvelle rationalité, une nouvelle faculté de juger, le même désir d'éviter deux grands écueils. Le premier, c'est l'irrationalisme, cet irrationalisme qui va précipiter le continent européen entier dans le chaos. Et le deuxième grand écueil, c'est ce que Musil appellera le rationalisme de poisson séché. Oui. C'est ce rationalisme étroit qui interdit l'aventure intellectuelle, mm-hmm. l'expérimentation, l'expérience. Alors, est-ce qu'on peut, du coup, pousser un petit peu la réflexion et se dire que si Ulrich ressemble beaucoup à Musil, d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire en quoi, il est possible que l'élève Turles ressemble aussi à un Musil plus jeune. Je crois Turles et Ulrich ont beaucoup à voir l'un et l'autre, mais ils ne sont pas Robert Musil. On peut effectivement, ça, je me suis évidemment attaché dans la biographie à souligner tous les traits saillants de la personnalité de Musil qui ont pu se retrouver dans les deux personnages. Notamment le fait que Musil a peut-être des difficultés à choisir réellement, à s'engager. Il est aussi relativiste d'une certaine manière, comme ses personnages. C'est un aspect de sa personnalité qui effectivement peut se retrouver chez ces personnages, mais il ne faut jamais oublier que Musil envisage ces personnages comme des cobayes, comme des égaux expérimentaux, encore une fois, des objets d'expérimentation, et il arrive très fréquemment, et ça c'est surtout le cas évidemment dans cet immense continent romanesque qu'est l'homme sans qualité, que les personnages accueillent des états psychologiques fort différents. au mépris de toute cohérence, je dirais. Musil peut à certains moments être en ses personnages et s'en retirer aussi tout à fait. En tout cas, ce qui reste commun aux deux personnages et à leur auteur, c'est le sentiment du désarroi. C'était un homme du désarroi tout de même, Musil. C'était un homme du désarroi dans tous les aspects les plus prosaïques et pratiques du quotidien. Il était parfaitement désarmé par rapport à la vie pratique, ce qui le précipitera dans un grand malheur, puisqu'il finira vraiment sa vie dans un état de misère noire, enfin totalement désespéré. Mais c'était sur le plan, dès qu'il se retrouvait à sa table de travail, stylo, plume à la main, c'est ce que Canetti a pu écrire dans un très beau portrait, c'est-à-dire le plus désarmé des hommes dans la vie quotidienne et un véritable seigneur à la table de travail, c'est-à-dire quelqu'un capable d'une audace et d'un goût de l'expérimentation sans équivalent sans doute en Europe à cette date. Est-ce que vous diriez que le nihilisme, l'espèce de scepticisme qu'on sent monter pendant toute la première partie du XXe siècle, il l'a porté en lui et ces deux déterminants, on les retrouve dans l'élève Turles d'une certaine façon, une espèce de distance quand même, de regard distancié par rapport au monde. Un regard distancié qui n'a cessé une distance qui n'a cessé de se creuser. Ça c'est certain. Mais je pense que Musil fait partie de ces auteurs qui, comme je citais Canetti, on peut citer Karl Kraus pour deux éminents représentants de la littérature d'Europe centrale, a lutté au quotidien contre ce nihilisme européen-là. Mmh. Je disais tout à l'heure que les deux écueils à ses yeux à éviter étaient l'irrationalisme et le rationalisme de Poisson séché. D'une certaine manière, c'était à ses yeux les deux piliers de ce nihilisme européen. Oui. Mais il voyait tout de même une crise culturelle, un petit peu comme aujourd'hui, tout le monde parle de crise culturelle. Il parlait de la confusion des valeurs, du vide philosophique. En quoi est-ce qu'il est notre contemporain, Frédéric Joly? C'est une question délicate. L'élève Turles incarne à lui seul effectivement ce sentiment de crise culturelle, puisque nous avons avec lui un jeune homme cultivé qui ne parvient pas à s'appuyer sur son goût pour la culture. Moi je pense que si Musil peut et doit être lu encore aujourd'hui, c'est précisément par sa critique de l'irrationalisme et de ce rationalisme de Poisson séché. Nous en sommes encore là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Frédéric Joly. C'était le premier numéro de cette semaine consacré à l'école et aux récits d'internat dans la compagnie des auteurs. Je rappelle que votre biographie de Musil, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans la connaissance de cet écrivain, s'appelle « Tout réinventé », Frédéric Joly. Elle a paru au Seuil en 2015. Cette émission vous était proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Audrey Guélil. Et demain, on continue de parler de l'école, mais telle que vue cette fois par les yeux de Colette.